il apaise d'un seul mot une révolte. À Rome, les soldats de la 10e Légion réclamèrent un jour des récompenses et leur congé, en proférant d'effroyables menaces qui exposaient la ville au plus grand danger. Quoique la guerre fût alors allumée en Afrique, César, que ses amis essayèrent en vain de retenir, n'hésita pas à se présenter aux mutins et à les licencier. Mais avec un seul mot, en les appelant citoyens au lieu de soldats, il changea entièrement leur disposition. « Nous sommes des soldats !» s'écrièrent-ils aussitôt, et ils le suivirent en Afrique malgré son refus. Ce qui ne l'empêcha pas d'enlever au plus séditieux le tiers du butin et des terres qui leur étaient destinées.